Chapitre 16e, méditation cardio-spirituelle. Au retour chez lui, dans sa chambre, allongé dans son lit, Karim ne parvient pas à se concentrer sur un livre tenu en main. Il le ferme et le pose sur sa petite table de nuit. Est-ce que mon étoile, finalement, a pensé à moi? J'en ai rencontré des filles, mais cette fois-ci, cela ressemble à un incendie de mon cœur et de mon esprit. Cependant, j'ai peur. Ce monde est si mal foutu. Trop souvent, la main tendue en signe d'amitié est férocement mordue. J'ai cherché en vain l'âme sœur, sans jamais la trouver. La fraternité familiale est devenue très rare. La solidarité entre les gens encore plus rare. Alors, l'amour entre un homme et une femme est-ce autre chose qu'une illusion pour naïfs? Surtout dans notre société soumise à de si affreux préjugés, à des traditions tellement hypocrites, sans parler de l'argent et de l'obscurantisme qui ont tout pourri. Karim se voit une croisée de chemin inconnu, dans un désert aride et mystérieux. Pourtant, je dois choisir une direction et continuer mon voyage. Mais comment, sans boussole, pour m'orienter? Dans ce domaine, mon ange gardien, Sylaphide, ne peut rien, à moi seul d'affronter la reine. Au même moment, au rez-de-chaussée de la tour, une autre âme est plongée dans ses perplexes méditations. Zahra, elle aussi, est allongée dans son lit, sur le dos, dans l'obscurité, et les yeux ouverts dirigés vers le plafond. Elle s'imagine Karim. Il est peut-être là-haut, dans sa chambre, comme moi, en ce moment. Manque-t-il de sommeil? Et me pense-t-il, comme moi, je pense à lui? Zahra est assaillie par une bourrasque de sentiments et pensées contradictoires, comme elle ne le fut jamais auparavant. Pourtant, sa vie précédente n'a jamais été ordinaire. Étrange, parvenue à mon âge sans savoir ce qu'est l'amour. Mon corps, agressé malgré moi, n'est plus vierge. Cependant, mon cœur, mon âme, eux, sont encore purs. Aucune infamie, aucune profanation n'ont pu les salir. Toutefois, elles ont éliminé en moi tout sentiment positif, ont étouffé en moi principalement celui de l'amour entre une femme et un homme. L'amour, qu'est-ce que c'est ? Elle cherche fébrilement à comprendre ce singulier mystère. L'ignorance du sentiment apparemment le plus normal, le plus naturel, le plus élémentaire qu'est l'amour entre une femme et un homme. Je n'ai jamais aimé, à l'exception des membres de ma famille. Et je crois n'avoir jamais été aimée, quoique belle. Alors, est-ce que ça existe vraiment, l'amour, le vrai? Je ne l'ai jamais vu. Ni entre mon père et ma mère, ni ailleurs. Dans l'impérieux but de voir clair dans cette énigme, les efforts de Zahra lui causent un début de lancinante migraine. Toutes ses pensées tournent et virevoltent autour du voisin du deuxième étage, formant des questions sans réponse. Alors c'est quoi cet effet qu'il a produit sur moi? En plus, il arrive au moment le plus inopportun, menaçant mon travail et l'argent que j'en retire pour vivre, moi et ma famille. C'est la première fois que Zahra se trouve dans une situation si complexe, si confuse. Elle ne voit pas d'autre cause que celle-ci. Al-Maktoub, que peut-on faire contre la volonté de Dieu? Tout vient de lui. Nous ne sommes que des moustiques dans sa toile d'araignée. Néanmoins, cette traditionnelle explication théologique ne soulage pas l'insondable trouble de Zahra. Malgré sa foi conventionnelle et son instruction très rudimentaire, elle sent le besoin d'une justification rationnelle. Elle est prise en tenaille entre deux exigences contradictoires. La première est l'impérieux désir biologique, pour la première fois violemment et profondément ressenti. Mais est-ce cela l'amour? L'autre besoin est la nécessité de vivre. Même si par la honteuse activité de moucharde qui me garantit un salaire. Les longues et lancinantes considérations de l'amoureuse angoissée aboutissent à cette lamentable, mercenaire et amère conclusion. L'amour, ça ne donne pas l'argent pour acheter du pain. Le lendemain, vers 8h du matin, Zahra est dans la boulangerie. Elle est la seule cliente. Akli, le gérant du magasin, lève les yeux pour regarder un autre client qui arrive. Quand il rejoint le comptoir, Zahra se retourne vers le nouveau venu. Aussitôt, elle pâlit légèrement, puis une certaine rougeur colore ses joues. Dans son champ visuel, Karim lui fait face, souriant. « Salam, » dit-il. « Salam, » répond Zahra. Le boulanger s'éloigne et disparaît dans l'arrière-boutique. Alors, les regards de Zahra et Karim se laissent aller à se fixer résolument l'un sur l'autre. Leur langage est éloquent. Les joues de la jeune femme s'enflamment davantage, tandis que les yeux du jeune homme brillent de tout leur éclat. Le retour du boulanger, tenant une corbeille chargée de baguettes de pain, les contint reprendre une attitude convenue. Akli donne 4 baguettes de pain à Zara. Elle les met dans son sac, paye rapidement, jette un très furtif coup d'œil à Karim, puis s'en va en silence. Une fois parti, Akli dévisage Karim avec un air satisfait et complice. Alors, lance-t-il d'un ton plaisantin, à quand ton mariage ? Mariage ? Rétorque Karim étonné. Bah, tu es un homme comme nous tous, il faut bien un jour te marier, non ? Eh oui, certainement. Il vaut mieux changer de sujet, s'avise Karim, embarrassé. À propos, dit-il, comment va ta famille ? Le visage d'Akli s'attriste un peu. Oh, mon père et ma mère ne sont pas assez riches pour venir habiter ici. Et puis, ils aiment le village de Kabylie où ils sont nés, et vivent, quoique difficilement, par manque de ressources financières. Deux de mes frères travaillent à Alger, et une sœur a immigré au Québec. Alors tu es ici uniquement avec ton frère cadet qui travaille avec toi ? Oui. Ceci dit, ajoute Karim d'une voix très familière, ici tu as des amis sincères, Silafid, Rachid le coiffeur et moi. Chaque fois que tu sentiras le besoin d'une atmosphère familiale, tu sais que ma maison t'est ouverte en frère, ainsi qu'à ton cadet. Je le sais, merci Karim. Toi aussi, si un jour tu veux visiter nos montagnes de Kabylie, tu es le bienvenu dans ma famille, en frère. Merci pour l'invitation. Tu m'offres une belle occasion de voyage de noces. Et toi, le mariage, c'est pour quand ? Ah, réplique Ali, tu touches un point délicat. Pourquoi ? Il y a bien une fille qui me plaît, avoue le boulanger. Mais elle est d'ici, du quartier. Or, mes parents veulent que j'épouse une fille de mon bled, une Kabyle. Je te suggère, dit Karim, un bon compromis. Trouver une Kabyle née à Oran. Akli éclate de rire. C'est vrai, j'y avais pensé. Il se reprend. Cependant, il est la fille dont je viens de te parler. Elle me plaît beaucoup. Elle est du quartier, ici, et arabe. Disons algérienne, propose Karim. Oui, tu as raison, algérienne, convient Akli. Tu en es amoureux ? Me s'assurer Karim. Vraiment ? Beaucoup ? Oui, oui. Eh bien, conclut Karim, tu peux proposer à tes parents un autre compromis ? Te marier avec la fille de ton choix, cette oranaise, tout en apprenant à vos enfants à parler arabe et kabyle. Ainsi, vous participerez comme famille à l'unité du peuple en l'enrichissant de ces deux aspects culturels. Très bonne idée, convient Akli. J'y penserai. Quoique les montagnards de chez nous soient des rassagyol, des teddan, difficiles à convaincre, j'essaierai. Il faut toujours tenter sa chance, encourage Karim. Si leur cœur est tendre, leur tête sera sensible à ton sentiment. Tu as raison, admet le boulanger. Talmirt Saïd, cher ami, respectivement en kabyle et en arabe algérien. Akli avait, au cours d'une précédente rencontre, expliqué la signification du premier mot à Karim. Artoufat, cher amoureux, au revoir, répond Karim, tout content de montrer qu'il se rappelle cette autre expression enseignée par Akli.